Immédiatement au lendemain de cette opération-là, il y a un réseau de gens qui se connaissaient, parce que ça fait longtemps qu'on était sensible à la question palestinienne, qu'on avait déjà collaboré sur d'autres choses, qui s'est cristallisé puis qui a décidé d'organiser une initiative à l'échelle du Canada pour envoyer un bateau canadien pour briser le blocus. Au même moment où nous, on avait cette idée et cette initiative-là, il y a des gens partout ailleurs dans le monde qui ont fait à peu près la même démarche. On a fini par rentrer en contact les uns avec les autres. Et au mois de mai qui s'en vient, il va y avoir donc une flottille qui devrait avoir entre 15 et 20 navires, qui va avoir autour de 1000 passagers au total, qui s'est donné rendez-vous, qui s'est coordonné pour tenter de briser le blocus encore une fois. Et en disant que, ben, d'une part, la situation des Palestiniens ne s'est pas améliorée au cours des 12 derniers mois, c'est quelque chose d'assez détérioré parce que le blocus s'est maintenu. Donc les pénuries sont encore plus criantes, les problèmes de santé, les problèmes d'approvisionnement en nourriture, les problèmes provoqués par les problèmes de manque d'approvisionnement en eau potable ou toute la destruction qui a été liée à la guerre il y a deux ans, un peu plus de deux ans, l'opération Plomb durci qui avait fait presque 1500 morts, tout ça. Sont encore tous bien présents. Alors, on s'est organisé et puis on n'a pas tout à fait fini de s'organiser, en ce sens qu'évidemment, il n'y a pas question ici au Canada qu'on reçoive le soutien du gouvernement canadien ou d'un organisme subventionnaire quelconque. C'est vraiment un effort citoyen à la base. On recueille les sous un dollar à la fois, où on essaie de faire des plus gros chiffres que ça à chaque fois, mais quand même. Parce que pour faire l'ensemble de l'opération, on parle d'à peu près 300 000 $ pour être capable de s'acheter un bateau, parce qu'on peut pas. Les personnes qui veulent nous louer un bateau qui est fort probablement destiné à être raisonné par le gouvernement israélien, et donc personne ne veut nous en louer un, fait qu'il faut qu'on en achète un. Puis mettre de l'essence dans le bateau, puis tout ça. Donc, on s'est coordonné avec les autres. On a maintenant ramassé 200 quelques mille dollars. On n'est pas encore rendu à l'objectif final, mais ça va relativement bien là, en du mois de début de la campagne. Pour l'achat du bateau? Oui, c'est-à-dire qu'actuellement, on devrait compléter la transaction. On a identifié le bateau qu'on veut. Puis là, c'est un peu comme si on achète une maison. Il faut que des avocats et des notaires regardent s'il n'y a pas des hypothèques, puis s'il n'y a pas des amendes, puis s'il n'y a pas puis on fait inspecter. Là. Mais normalement, dans quelques semaines, on va être capable d'annoncer qu'officiellement, on a acheté le bateau. Il va encore nous falloir des sous pour vous mettre de l'essence dedans, puis embaucher un capitaine, parce que moi, si vous me donnez un bateau, on n'aura pas besoin des Israéliens, on se rendra pas. Alors, on devrait être une quarantaine de personnes de navires qu'on a ciblé. C'est un navire qui peut accueillir 50 personnes. Nous, si c'est celui avec lequel on peut faire, on devrait être une quarantaine du Canada, puis une dizaine d'autres qui vont venir de Belgique et d'Australie, où il y a des projets similaires, mais où ils n'ont pas ramassé les initiatives qui se sont mis sur pied beaucoup plus tard. Ils n'ont pas ramassé beaucoup de sous, donc ils trouvent ça moins compliqué de joindre à nous, fait qu'ils font une petite contribution à notre campagne, puis ils prennent quelques places sur le bateau. Et comme j'expliquais tout à l'heure pendant l'entrevue, ben nous, en gros, il y a trois grands objectifs. Il y a un objectif qui est d'envoyer un signal aux Palestiniens en disant on ne vous a pas oublié, on sait que vous êtes là, puis parce que moi, je suis allé en Palestine à plusieurs reprises depuis 20 ans, et puis souvent, dans les conflits qui s'étirent, les gens ont l'impression, puis à raison, qu'ils sont s'en occupent plus. C'est plus puisque c'est plus un problème nouveau, c'est plus un problème. On a d'autres chats à fouetter, puis on s'occupe de d'autres enjeux, de d'autres problèmes qui font surface à un moment donné ou à un autre. Alors, ils se sentent souvent délaissés. Alors, c'est de leur envoyer un signal en disant non, il y a encore des gens qui sont sensibles, puis qui se préoccupent de votre sort. C'est d'envoyer un signal aux Israéliens en disant il y a encore des gens qui s'opposent à vous, puis qui les Palestiniens ne sont pas les seuls, puis ils ont des alliés, puis nous, on est prêts à poser des gestes concrets pour dénoncer vos comportements, puis vos stratégies, puis votre attitude, puis votre fonctionnement. Et dans le cas canadien, c'est aussi un objectif d'éveiller la société canadienne aux positions que le gouvernement Harper prend. qui sont effrayantes. Il y a 2 ans, quand il y a eu la dernière grande vague de guerre, l'opération Plomb durci, le premier ministre israélien était au Canada, et puis là, c'était bras dessus, bras de le jour où les bombardements ont commencé. Monsieur Harper qui tapait dans le dos en disant c'est bon, on est d'accord avec vous, on est vos amis, on n'a pas de problème avec ça. Pendant que la plupart des autres gouvernements du monde, y compris des gouvernements du monde occidental, qui ne sont pas a priori très, très pro-palestiniens, mais qui disaient c'est pas acceptable. Il y a quelques mois, au mois de novembre, M. Harper a fait une déclaration très, très, très forte en disant que dans le dossier palestinien, c'était. Puis là, c'est comme dans ses mots. Moi, j'arrête pas de répéter cette phrase-là parce qu'elle me témoigne tellement de ce qu'il pense. C'est le bien contre le mal. Puis le bien, c'est Israël. Puis le mal, c'est les Palestiniens. Évidemment, quand tu parles dans ces termes-là, puis tu penses dans ces termes-là, ça. Ça annonce une manière. Comment il dirige l'État canadien, puis qu'est-ce qu'il demande aux services diplomatiques, pas aux services humanitaires ou aux services militaires canadiens d'avoir comme geste, puis comme. Et ça va avec le fait qu'il coupe. Le Canada était traditionnellement un relativement important contributeur à l'UNRWA, qui est l'agence d'aide humanitaire qui aide à nourrir, puis à fournir des services sociaux, des services éducatifs aux Palestiniens dans la bande de Gaza. De couper notre contribution à l'UNRWA. Il y a plein de choses comme ça qui ont été. Qui ont déjà été faites, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Il y a interdit aux ONG canadiennes qui avaient une présence et des activités, entre autres dans la bande de Gaza, de poursuivre sous prétexte que, même si c'était des projets qui étaient purement humanitaires, des puits ou de la nourriture ou de la formation, tout ça, mais si tu fais quelque chose dans la bande de Gaza puis tu es une ONG canadienne, tu vas être accusé d'être une organisation terroriste. Et donc, il retire l'aide canadienne sous toutes les formes qui touchaient la population palestinienne. Donc, c'est de dire, mais là, jusqu'où tu vas aller là-dedans? Si un bateau plein de citoyens canadiens, qui est un bateau canadien, est attaqué par une armée étrangère, toi qui es le premier ministre du Canada, est-ce que tu vas prendre le parti de l'armée de l'autre pays? Ou tu vas dire, ça c'est mes citoyens, c'est mon bateau, enfin mon bateau, c'est un bateau canadien, puis tu. Ça compte pas ça, c'est pas. T'es premier ministre de qui? T'es premier ministre de la Knesset ou t'es premier ministre de la Chambre des communes? Il faudrait que tu décides quel chapeau t'es supposé porter. Puis de faire un enjeu social, un enjeu politique avec ça dans la société canadienne. Donc c'est un peu les 3 objectifs du projet. Pour l'essentiel, donc, le projet, c'est un projet qui est complètement ad hoc, puis qui est complètement militant, dans le sens qu'il n'y a pas de salariés, il n'y a pas d'organisation qui sont derrière ça. Tout est fait sur la base d'engagement volontaire, puis bénévole, puis militant de la part des gens. On recueille des sous, ça va relativement bien, 200 quelques mille dollars, c'est une vraie somme qu'on a réussi à recueillir. Mais il nous en manque encore 100 000, c'est aussi une vraie somme qui nous manque. Il faut qu'on aille chercher dans les quelques mois qui viennent. Moi, j'ai confiance, mais il faut qu'on travaille beaucoup. Et puis, en gros, je pense que j'ai fait un tour rapide. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des interrogations. Je voulais savoir envoyer un bateau avec pour faire quoi, en fait, En fait, sur le bateau, il va y avoir un peu de matériel humanitaire, puis il va y avoir aussi des cartes postales. Pourquoi des cartes postales? Parce que parmi les mesures de rétorsion du gouvernement israélien contre la population, il considère maintenant que c'est un danger pour la sécurité d'Israël que de remettre le courrier. Bon, évidemment, Gaza, c'est une enclave. Donc, le courrier, tous les pays du monde font ça. Et ça veut dire que s'il n'y a pas une connexion aérienne directe, tu envoies le courrier au pays à côté. Mettons, Poste Canada envoie le courrier là. Puis là, l'autorité postale d'un pays la remet à l'autorité postale de l'autre pays. Maintenant, les Israéliens refusent de remettre le courrier. Ils s'envoient une enveloppe destinée à Gaza. Poste Canada, ici, vont te la renvoyer avec une lettre d'explication qui te dit on ne peut pas livrer votre enveloppe parce que le gouvernement, le service postal israélien refuse de faire le transit. Alors, en jouant là-dessus, on a réussi à informer et à sensibiliser les gens du syndicat canadien des postes. Qui nous ont demandé d'aller livrer du courrier. Fait qu'on ramasse des cartes postales, on ramasse des choses pour. Bon, seulement les cartes postales, parce qu'on veut, pour des questions de sécurité, on ne veut pas mettre dans notre bateau des choses qu'on ne contrôle pas. y compris pour notre propre sécurité, nous, parce que c'était trop facile pour le Mossad de nous donner un colis qui nous empêcherait de se rendre. Et un peu de matériel humanitaire, donc du matériel scolaire, des médicaments. Il y a une liste de médicaments qui a été envoyée par les services sociaux palestiniens qui disent ça, c'est les choses dont on manque le plus. Mais c'est pas dans notre cas, ce sera pas un immense navire. C'est un navire d'une dimension moyenne, mais le vrai objectif, c'est d'amener ce matériel-là comme du matériel symbolique de ce que le blocus empêche d'être livré aux Palestiniens. Parce que les Palestiniens sont en mesure à la fois de produire, d'avoir de l'activité économique, d'acheter, de vendre, tout ça. Le problème, c'est qu'on leur interdit de le faire. Alors nous, ce qu'on veut, c'est briser le blocus. Puis le jour où le blocus est brisé, il n'y a plus de pénurie, en tout cas, il n'y a pas de pénurie significative de médicaments ou de choses comme ça. Ils vont avoir d'autres problèmes que d'autres pays du Sud ont en termes d'approvisionnement. Mais là, il y a vraiment une situation où littéralement, les gens, il y a des médicaments, par exemple, des gens qui souffrent d'asthme ou qui ont des problèmes, tout ça, ces médicaments-là sont plus là. Et là, il y a des gens qui meurent contre une crise d'asthme. Il n'y a pas de pompe pour la bronchodilatation, il y a pas de et tu meurs parce que ce médicament-là, les soldats israéliens le bloquent à la frontière. Il y a des entrepôts complets de matériel qui attendent d'être autorisés pour rentrer à Gaza. C'est pas un problème de disponibilité au sens où on ramasse des sous pour acheter des médicaments. Ces médicaments-là, ils pourraient les avoir en deux minutes. Mais on interdit leur livraison. Alors nous, ce qu'on veut, c'est travailler sur le processus de livraison, dire là, ça va faire l'armée pas à interdire la livraison des médicaments, à pas interdire la livraison de nourriture, à pas empêcher les Gazaouis qui produisent enfin, le petit bout de territoire que leur reste, parce que pour l'essentiel, maintenant, les terres agricoles ont été considérées comme « no man's land » qui... donc, ils ont dit la bande de Gaza est... été désoccupés, là. Ils se sont retirés unilatéralement, mais ils ont défini une zone tampon, et là, la bande de Gaza, c'est tout petit, ils ont défini une zone tampon maintenant qui va presque jusqu'à la mer, où tu n'as pas le droit de faire aucune activité parce que ça représente un risque pour le gouvernement, pour Israël officiellement, donc beaucoup de paysans palestiniens ne peuvent pas exploiter leurs terres, ne peuvent pas produire ce dont ils ont besoin, et donc ça aussi, c'est dans la même logique évidemment que celle du blocus, mais les Palestiniens sont capables de gagner leur vie. Ça fait des milliers d'années qu'ils vivent sur cette terre-là. Cette terre-là a toujours été capable de répondre à leurs besoins. On va y arriver par la mer. Les Palestiniens de Gaza ont toujours été des petits pêcheurs. Là, ils n'ont plus le droit de pêcher. Ils ne leur laissent pas leur bateau aller à la mer pêcher. C'est ces choses-là qui doivent cesser. Puis quand ils vont avoir le droit de pêcher eux-mêmes, quand ils vont avoir le droit de cultiver leur terre, quand ils vont avoir le droit de faire du commerce avec l'extérieur, il n'y a pas de problème de pénurie. Ils vont avoir les médicaments et ils vont avoir de quoi manger. Donc, l'objectif, c'est vraiment de briser le blocus. Et au niveau... j'ai lu un peu sur le site la petite description. Mm-hmm. Est-ce que vous allez pouvoir être en mesure de ramener des produits de là-bas? Ou est-ce qu'il y a l'objectif, c'est de réussir à faire ça. C'est-à-dire d'amener donc quelques... on parle de quelques dizaines de caisses. Dans le cas de notre navire, le navire turc, par exemple, est beaucoup plus gros. Puis ils prévoient même être accompagnés d'un cargo qui, lui, va avoir des tonnes et des tonnes de marchandises. Bon, là, la Turquie, c'est la Turquie, nous aussi. mais nous, on va amener un peu de marchandises. Et oui, si on est capable de rentrer, le projet au complet, c'est d'acheter du matériel de l'artisanat, des choses de l'huile d'olive, enfin, qu'importe ce qu'on va réussir à trouver qui va être disponible, puis de le ramener, puis de le vendre. Donc, une autre manière de continuer à sensibiliser puis informer les gens ici. Parce qu'effectivement, le blocus est aller-retour. Il est interdit de rentrer, mais il est interdit de sortir également. Donc, si on est capable de circuler, puis nous, ça va nous faire plaisir, puis on verra à ce moment-là c'est quoi la chose la plus efficace vraiment à faire, soit de le ramener, vendre le bateau, donner les sous à un organisme humanitaire sur place. Bon, notre objectif, c'est pas de devenir des armateurs, on veut pas devenir les onassistes de la Palestine, c'est vraiment, si le blocus est brisé, nous, notre mission puis notre groupe, comme on va chacun se réintégrer dans les réseaux sociaux où on est habitué, mais c'est vraiment, puis si le blocus est encore en place puis on réussit à récupérer notre bateau, ben on a l'intention de faire une deuxième mission puis une troisième mission, puis les gens qui D'ailleurs, c'est l'espèce de consensus qu'il y a avec les autres pays, donc les Turcs, les Grecs, les Suédois, les Allemands, les Italiens. C'est, bon, une fois qu'on a un bateau, si on est capable de garder notre bateau, par exemple, les Turcs, le Mavi Marmara, c'est encore ce bateau-là qui va être dans la flotte. Ils ont réussi. Ah ouais? Ils ont réussi à récupérer. Ils ont embauché des avocats en Israël qui ont réussi à faire des procédures légales. Ça leur a coûté des sous un peu, mais ils ont récupéré leur bateau. Alors, ils retournent. Le Mavi Marmara va faire partie de notre flottille encore, puis ils retournent avec le bateau. On a l'intention de faire la même chose si on est en mesure de. Enfin, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on n'ait pas besoin de le refaire, mais c'est un engagement à le faire jusqu'à temps. Enfin, tant qu'on va avoir les forces, c'est tant qu'en face, ils vont maintenir le blocus. Le bateau, est-ce qu'ils vont rénover ou ils vont garder avec les transabandes devant tout? Ah, ils ont rénové parce que finalement, les Turcs, c'est sûr que c'est sur une autre échelle. Ils ont beaucoup plus de ressources, l'organisation turque. C'est une ONG très, très bien établie qui a un financement. Comme ici, les grandes ONG canadiennes qui ont du financement du gouvernement canadien, dans le cas de la Turquie, c'est une grande ONG qui a du financement du gouvernement turc. Donc, ça simplifie les choses pour eux. Mais les Israéliens leur ont rendu le navire, mais ils l'ont. Non seulement il y a encore des traces de balles, mais ils l'ont saboté. Ils ont brisé les moteurs, ils ont brisé les équipements de communication, tout ça. Donc, ils l'ont depuis 2-3 mois, ils l'ont récupéré, fait qu'ils ont eu le temps de le remettre en état. Mais les Israéliens n'auront pas fait un cadeau, ils ne l'auront pas remis en très bon état. Puis au niveau des dons, mm-hmm. si par malheur tout ça n'aboutit pas, est-ce que... ça va aboutir. OK. Mais pas seulement parce que je suis quelqu'un de très, très déterminé, puis les gens dans le groupe sont déterminés. Ça va aboutir pour plusieurs raisons, entre autres parce que le pire qui peut arriver, là, disons qu'aujourd'hui on ne ramasse plus un sou. Parce qu'on a des, c'est pas comme si vous m'aviez parlé il y a 8 mois, là, on partait avec zéro. Aujourd'hui on a 210 000 $ à quelques dollars près de ramasser. C'est assez pour s'acheter le bateau. Donc ça, on a déjà un bateau, on est en train de faire la transaction. Et je parlais des Belges et des Australiens avec lesquels on a pris une entente, mais il y a d'autres initiatives à travers le monde. Et là, pour l'instant, on a comme arrêté de... On n'a pas invité d'autres gens à venir à bord de notre navire, parce que nous, on s'est dit, on est capable d'aller chercher 300 000, on va avoir une grosse représentation canadienne. Mais si jamais on n'était plus capable de ramasser d'autres sous, il y a d'autres pays, soit ils ont, eux, plus de gens que d'argent, qui sont prêts à venir, mais tu sais, qui seraient prêts à payer, à trouver, à faire une contribution qui vont nous permettre, mais au lieu d'être 40 Canadiens puis 10 qui viennent d'ailleurs, on va se retrouver 25 Canadiens puis 25 qui viennent d'ailleurs, mais au bout de la ligne, il n'y a pas d'angoisse sur le fait de est-ce qu'on va être capable d'y aller. Il va y avoir des arrangements, on sera moins nombreux, mais on va y parvenir. Aujourd'hui, je peux vraiment dire, parce qu'on a le 200 000 $ qui est là, qui est c'est pas de l'argent fictif, c'est de vrai argent dans un vrai compte. Ouais, mais donc ça serait maintenant plus, ben, si jamais il y a assez d'argent pour acheter le bateau, ça serait tout ce qui serait pour les aides humanitaires. C'est acheter le bateau, c'est une partie des dépenses, mais on a besoin de sous pour aussi des choses comme l'essence. Il faut, pour que le navire ait le droit de partir du port, il faut avoir un certain nombre de papiers. Donc, il faut enregistrer le navire. Donc, il faut payer des frais d'enregistrement. Puis, il faut qu'il soit assuré. Un peu presque la même chose qu'une voiture quand tu veux avoir ici. C'est la même chose. Donc, ces dépenses-là, nous, on avait faites. Puis, nous, ensuite, notre objectif, c'est que ça coûte à peu près 50 000 $ Puis, on voudrait mettre pour à peu près 50 000 $ de matériel humanitaire à bord du navire. En fait, moi, ma question, c'est parce que je suis en train de penser aussi à... contribuer personnellement, mais aussi à aider à faire des collectes dans d'autres points, comme par exemple les mosquées ici à Québec ou les épiceries ou des choses comme ça. Mm-hmm. Ça pourrait très très bien marcher. Ben, la semaine dernière, on a fait une collecte pour le croissant rouge tunisien avec tout ce qui se passe en Libye. Ouais, ouais. Puis en l'espace d'une demi-heure, à la sortie de la prière du vendredi, on a ramassé presque 1 000 $. Ouais. Donc, c'est quand même... Ah, c'est très possible. C'est... Moi, j'ai fait une douzaine de mosquées à Montréal dans les... depuis le mois de janvier. Puis, Donc, si... mais sauf que c'est pour ça que je demandais, parce que les gens ont quand même besoin d'assurance. Par exemple, absolument. Les gens qui sont dans les mosquées, ils vont par exemple, vouloir avoir des reçus, vouloir avoir des choses comme ça. Donc, je me posais la question, vu au niveau légal, vu qu'il y a un petit problème avec le gouvernement, est-ce qu'on peut quand même travailler ici, on peut quand même faire ce genre d'activité Alors, ce qu'on a fait, c'est nous, on a pris entente avec un ONG qui est bien établi, qui s'appelle Alternative. Et tous les, en fait, vous ne faites pas le chèque au nom du bateau. Les chèques sont faits au nom de Alternative, en inscrivant dans le bas bateau pour Gaza. Donc, ils sont encaissés par un ONG qui est établi, reconnu, qui a des comptables qui font la vérification externe, tout ça. Et donc ça, Alternative s'est engagé à faire ça, ils le font gratuitement. Mais ils émettent pas de... Ils envoient une lettre de remerciement qui reconnaît le don et la valeur du don, mais ils émettent pas un reçu de charité. Parce que le gouvernement canadien dit ça, c'est pas de la charité, ça, c'est de la politique. mais le toute la comptabilité et la gestion des sous est très clairement faite par Alternative. Puis c'est pour ça, parce que comme nous, on n'était pas une organisation établie, on voulait se, pour répondre à cette préoccupation-là, avoir une référence, une preuve de la manière pour, dont c'était fait. Pour impliquer d'autres personnes, d'autres organismes, parce qu'il n'y a pas de risque de, disons, par rapport au gouvernement ici qui est plus ou moins hostile à cette initiative. J'ai pas de copie avec moi ici, mais si on regarde, on peut regarder sur le site web, on n'est pas très nombreux, c'est pas compliqué. Il y a maintenant plusieurs centaines d'organisations partout à travers le Canada qui ont endossé, des petites, des moyennes et des grandes organisations. Ça va de mosquées locales jusqu'à de grands syndicats. Par exemple, tantôt je parlais du syndicat canadien des travailleurs des postes, donc quand même 300 000 personnes à travers le Canada. La Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec qui est affiliée à la CSN. Le Conseil du travail de Montréal qui est affilié à la FTQ, le Conseil central de Montréal qui est affilié à la CSN, ont pris position publiquement et fait des dons. Le Frappru qui travaille sur le logement a fait endossé, fait un don. La Ligue des droits et libertés du Québec a pris position puis a fait un don. Donc il y a vraiment une... ils vont avoir beaucoup de gens pour suivre en même temps parce que là... À l'ampleur, et puis ça va vraiment, tu sais, de Halifax jusqu'à Victoria, dans le réseau syndical, dans les groupes de droits humains, dans les groupes de citoyens de tout, dans tous les secteurs, des groupes de femmes, des organisations religieuses de la communauté musulmane, mais aussi des organisations, certains groupes qui s'identifient à la communauté juive, puis plusieurs groupes qui s'identifient à la communauté chrétienne ont aussi pris l'engagement. Fait que là, puis qui s'affichent publiquement, puis on fait des dons. Fait que là, ça commence à faire... Ça veut dire poursuivre l'entraide missionnaire, poursuivre... il y a vraiment là, un réseau. Et puis, il y a deux ou trois semaines, il y a un réseau qui s'appelle l'ACOSI, qui est l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, qui rassemble toutes les ONG au Québec, qui, comme ACOSI, a endossé le projet puis envoie un représentant de la COSI pour être à bord du navire. Donc, ça donne une idée là, de l'ampleur là, des groupes. C'est parce qu'on a discuté avant que vous arriviez. Donc, par rapport à la nature des dons, est-ce que ça peut être autre que de l'argent? Est-ce que les gens peuvent... ramener des médicaments, je ne sais pas. Oui et non. C'est-à-dire que, je vais l'expliquer très simplement, le navire, nous, il part de Grèce. On va aller jusqu'en Grèce en avion, puis de là, on prend... Donc, vous allez acheter là-bas. On va acheter là-bas, et en fait, même, on va acheter peu de choses en Grèce. On va surtout les acheter en Turquie, parce que ça coûte moins cher en Turquie. Et comme notre bateau ne va pas avoir des tonnes, on va prendre un peu de matériel que les Turcs vont nous transmettre, mais pour l'essentiel, si on est capable d'acheter plus, parce qu'on a ramassé plus, on va le mettre sur le cargo turc qui, lui, est capable de prendre plus de marchandises. Je me demandais, Et puis sur, mais juste pour finir, pour répondre à beaucoup de questions. Ouais. Moi, si, si ça, vous pouvez le faire bien sûr par vous-même. Il y a beaucoup sur le site web, malheureusement, sur le carton, là, c'est marqué, mais il y a un document en 8 pages qui est un PDF qui est vraiment facile à. Qui répond, au fond, on rencontre un conseil d'administration d'un groupe. Là, moi, chaque fois que je rencontre des gens où je m'attends à faire lever la main et je faire mon résolution, c'est le document que je leur distribue qui répond. La plupart des questions que tu viens de poser, on y répond là-dedans. Ça explique le budget, qui appuie, les conséquences légales, la flottille internationale, tout ça, c'est dans ce document-là. Donc, tu peux prendre ça. Puis, si c'est relativement facile, je ne sais pas si ça a été si facile que ça, là, mais on peut s'arranger pour avoir quelqu'un du projet, même qui pourrait venir à Québec faire des présentations dans une mosquée là, à l'université ou n'importe où si il y a un groupe là, significatif. Ouais, pour les mosquées spécialement, ça prend pas grand-chose. Il suffit que juste l'imam fasse l'annonce et dise ouais. Voilà, il y a droit une boîte, vous pouvez faire les dons, ça fonctionne comme ça, puis ça fonctionne très bien. Ça serait peut-être bien d'organiser, si jamais on a le temps, d'organiser justement une conférence où quelqu'un vient expliquer, et puis ça sera à la fois une conférence de sensibilisation, et aussi une collecte de dons. Ça pourrait être, nous, si quelqu'un, si vous voulez l'organiser ici à Québec, à l'Université Laval, ou dans un au Cégep, ou je ne sais pas où. L'appareillage est prévu pour fin mai. Évidemment, nous, idéalement, on voudrait avoir complété notre budget. Je veux dire, on va prendre les sous jusqu'à la fin, mais on voudrait avoir complété notre budget pour au plus tard le 1er mai. Parce que, bon, après ça, il faut que techniquement que les choses s'organisent. Là, puis c'est un peu. Mais jusqu'à la dernière minute, je suis sûr qu'on va avoir besoin de. ce qui peut venir en plus. Oui, c'est ça. Ça fait de l'aide supplémentaire. Ouais, puis ça sera une manière de donner, faire une contribution. J'ai vraiment entendu parler de la situation à certains endroits qui dit l'Israël, ça va bien, et les autres, c'est normal. Mais je me demandais, souvent, ça fait penser à Bush, puis Bush, c'était un born again Christian. Ouais. Puis, il y a une espèce d'idéologie parmi la droite religieuse américaine qui dit ça sert à rien de s'occuper, dans le fond, des problèmes de l'humanité comme l'environnement ou la guerre, parce que, tout ça, le retour de Jésus-Christ, ça arrive bientôt, puis il va se traiter les problèmes, puis... ça va être une bonne chance. Puis, il y a un courant qui dit, bon, faut ils sont sionistes, c'est des chrétiens, mais ils sont sionistes. Ils disent, bon, faut que la terre sainte reste dans les mains d'Israël, parce que sinon, le retour du Christ, ça fera pas. Mais je me dis, c'est peut-être... Ce serait-tu pour ça que Stéphane Rappeur dit ça, finalement? Il y a-tu cette mentalité-là lui-même? Franchement, il est peut-être assez fou pour penser ça, mais je suis pas porte-parole officielle. Monsieur Rappeur, j'ai la misère à dire pourquoi il pense ça ou pourquoi il fait des déclarations comme ça. Mais c'est clair que, d'un point de vue politique, les gens avec lesquels il s'entend bien aux États-Unis, la filière politique, les gens de l'Université de Calgary, les gens de sont pleins de born again Christian, c'est la même école, c'est le même esprit que ceux qui entouraient M. Bush, puis qui sont ces délirants là aux États-Unis, puis qui ont cette politique là, et qui sont en général très très hypocrites. Ce sont les mêmes gens qui ont soutenu et qui soutiennent encore les dictatures partout dans le monde arabe en disant que Israël était la seule démocratie du Moyen-Orient. Et là, ça n'a rien qui les angoisse plus que de voir des gens d'un pays au Moyen-Orient qui décident de prendre la démocratie entre leurs mains. Et là, tout d'un coup, ça ne marche plus. Là. Donc, ça change tous les ressentis. C'est ça. Donc, ça les rend très malheureux. Tu sais, puis, on peut parler longtemps de la seule démocratie du Moyen-Orient, là, où.